Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. On veut le paradis comme Vanessa, une métisse d'Ibiza, un peu l'Obsa comme Mélissa. On veut le gros lot au loto et se les gratter. Mais c'est relou, on gagne Walou, alors on essaie de rapper. Le bonheur est une pucelle qui veut pas écarter. Et qui après tourne dans tous les quartiers. Pour pas s'arracher les cheveux, on se rase la teuté. Et tellement t'es endetté, tu zappes tes vacances d'été. Alors tu franchis le pas et c'est les bracelets en fer. Frère, des gens comme nous, ils savent plus quoi en faire. Car on vit dans l'urgence et c'est pas une fiction. Quand l'insolence devient violence, on en perd l'addiction. On sait qui paie l'addition et que ce pays est en perdition. Sens-tu la tristesse à chaque partition? On n'a rien en commun à part d'être mortel. La France, on la met hors d'elle, qu'elle comprenne que c'est le bordel. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Y'a plus d'amour, plus de sauts d'humeur. Parce que certains n'ont plus d'humour, ils s'en battent les couilles que tu meurs. Alors je rappe comme un testament au chaos. Je devrais partir subitement là-haut par chaos. Parce qu'ici les regards se croisent comme les sabres. Ceux-là même qui font pousser le marbre sous les arbres. Car l'indifférence suffit pour marquer la différence. Et même que pour certains le diable est devenu une référence. Il faut faire attention, dans l'air on sent la tension. Comme quand un jeune tend son arme pour demander la rançon. Ici la délinquance augmente comme l'essence. Les sauces, ils sont aussi rares que la chance. Parce que les frères plombent comme à la chasse. Ou tombent bêtement aux onze et disent que c'est comme à la chiasse. Y'a trop de déceptions à cause d'une mauvaise réception. On vit une époque de putain, voilà ma perception. Notre combat est musical, notre combat est musical. Notre combat est musical. Notre combat est musical, notre combat est musical. Notre combat est musical, musical. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Dormir d'un œil et porter le deuil nous a rendu wicked. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident. Et s'ils veulent qu'on ferme notre gueule, faudra qu'ils nous liquident.